échangeurs d'air avec vous jusqu'à 22h. Vous êtes à CKRL 89.1. Michel Marcoux au microphone et Jean-Philippe Boisbriand, comme d'habitude, fait tout le reste, dont le choix musical qui est assez québécois aujourd'hui. Ça commence avec les Granules. Il y a le Père Tremblay, les nouveaux Alléluia, du Robert Charlebois, du Plume, le Karloff Orchestra, Call Me Poupée, Biberon Bâti, etc., etc. Tout à coup, on s'en va jouer un peu du côté de Tom Waits, mais ça sera pas sans avoir entendu Péloquin Sauvageau. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien, on y va tout de suite. Excellente journée pour un exorcisme. Si tu t'ennuies du temps où les princes charmants allaient dans les églises pour regarder les filles, si tu t'ennuies vraiment de ce moment touchant où le peuple à genoux dans un spasme lubrique adorait en tremblant la rondelle mystique. Si tu as dans ton cœur des élans romantiques, si tu verses des pleurs à chaque Alléluia, si quelques indulgences te rendent nostalgique, si tous les petits chinois te rappellent ton enfance, alors n'hésite pas, accroupis-toi devant lui, ce temps-là reviendra, il reviendra le temps des pique-niques et des Coca-Cola que l'on savourait entre deux chemins de croix. Le temps où la Vierge apparaissait ici là avec ses catastrophes et ses secrets troublants. Et s'il te manque tant, ce temps des foules soumises, alors n'hésite pas, tout est là devant toi. Prosterne-toi un peu plus, et voilà. Toi qui penses encore qu'après la mort, il y a le paradis. Si tu t'ennuies du temps. Toi qui penses encore qu'après la mort, il y a le paradis. Quand tu y seras, je t'en supplie, envoie-moi des cartes postales. Louez, louez le Seigneur. Louez, louez tous en cœur. Allons-y de pas de danse sur un roc pour louer sa bienveillance sur un roc. Que les guitares et les tambours jouent sa gloire et son amour. Louez-le pour sa puissance, louez-le pour sa vaillance. Comme ce bon roi David autrefois, devant l'arche du Seigneur dansait. Que la cymbale, la contrebasse joue sa gloire et son amour. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de jouer pour ton nom de son cœur. De chanter au matin ton amour, ta vérité tout le long des jours. Louons-le par les corps, la danse et le tambour. Louons tous le Seigneur, Alléluia. Pour le rythme des saisons, pour la pluie qui tambourine, pour le rythme du travail et des machines, pour le rythme de ma vie et de mon cœur. Car nous le ciel, car nous la terre, nous le Seigneur son amour. de pas de danse sur un roc, pour louer sa bienveillance sur un roc. Que les guitares et les tambours jouent sa gloire et son amour. Madame Bertrand, je suis un jeune veuf de 54 ans, catholique et bon pratiquant. Je cherche une maman pour mes enfants. Claude et Armand, âgés d'11 et 12 ans. Madame Bertrand, je suis une brunette de 45 ans. Un peu grassette, j'adore les enfants. J'aimerais bien connaître un veuf ou un célibataire, distingué avec des bonnes manières. Madame Bertrand, main dans la main, nous marcherons. Tout partout, Madame Bertrand. Reste l'année, nous resterons couchés. Madame Bertrand, je suis parfait bilingue. J'aime le bowling, les bons programmes, la danse et le cinéma. J'ai un bon salaire, j'ai des économies ainsi qu'une autoclaire. Aventurière, prière de s'abstenir. Ces cadeaux, leurs belles histoires, leurs beaux, leurs femmes, puis leurs ciboires. Ils n'étaient jamais venus dans le pot de cet amène, égarés en route, route vers l'ivoire. Ils se sont retrouvés dans la neige, des moustiques et des sacrilèges, à essayer bêtement de se bâtir un quai. Ils ont construit des petites cabanes, comme dans les plantations de bananes, avec une petite différence de 40 degrés. En tout cas, vous avez un bien beau pays. Au jardin d'Éden, elle se promenait en bédaine. Quand le serpent l'a pogné, puis qu'il t'a l'a questionné. Dis-moi, ma jolie, pourquoi goûtes-tu pas ce fruit? Mais c'est que le bon Dieu veut pas que je mange ce fruit-là. Il faut pas désobéir sous peine de mourir. Arrête, tu vas me faire broyer. Penses-tu vraiment qu'il va te tuer? C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a pensé. C'est juste qu'il veut pas que tu saches, il veut pas que tu catches le bien et le mal. Moi je trouve pas ça normal. Après la chute, j'ai besoin d'un foyer, d'un port pour m'attacher. Un petit endroit où je me sentais bien chez moi. Comme il est difficile d'entrer au paradis, comme il est simple d'être jeté en enfer. Avaricieux, gourmandicieux, luxurieux, paresseux, coléreux, à tout jamais barré des cieux. Il est interdit de pécher au paradis. Si t'as pas été capable dans ta vie sur la tête, ça va jamais fait que tu t'en vas right en enfer. En enfer avec Lucifer et ses frères. Ses frères. Lucifer, ange déchu. Lucifer, ange cornu, qui Satan est devenu. Je n'adore aucun dieu, dit-il, j'envie tous mes semblables de ce qu'ils ont que j'ai pas. J'aime bien me masturber. J'emmerde Dieu, ses lois à lui, c'est de la folie. Cause une party. Ben, excuse-moi si je me trompe, mais tu t'appellerais pas Karloff par hasard? Oui. Non. Marche à tous les jours. Ah, ça c'est bien fatigant, ça. D'autres choses c'est capable de faire, là? J'ai confiance en mes grandes possibilités. À chaque jour suffit sa peine. Ok, correct. Hey, j'ai 2 billets pour la game d'asseoir contre Boston. Ça te tente-tu, là? Oui, je suis prêt à tout. Parfait, on va passer de prendre un 7 heures voir le tour à soir. Je prends du bon air frais aussi souvent que possible. Oh non, il n'y a pas question qu'on aille là à pied une minute. Mon corps agit sous la domination de mon esprit. Je vais donc surveiller ce qui me trotte dans la tête. Mais t'es fou, toi! Restons chez vous, je vais appeler José. Je ne suis pas. Allô, José? Bonjour. Hey, Mais ça tente d'aller au Nordique à soir, j'ai deux billets. Non, je regrette. Mais pourquoi? Bientôt peut-être, mais pas tout de suite. Oh, pis ça, c'est la raison que tu me donnes, là. Un budget s'établit à partir des données suivantes. Nourriture, logement et chauffage, électricité, gaz et téléphone. Oh, pis veux-tu pas aller chier de la race? Tiens, je vais appeler Bertrand. Bertrand, s'il vous plaît. Ben, Bertrand, il est pas là présentement, il est parti au club. Attendu pour souper? Je sais pas, il m'a pas dit d'en rien, il est parti. Ouais. Qui c'est qui parle, là? C'est Michel. Michel? Ah, qu'est-ce que tu fais à soir, Michel? Ouais, je sais pas, je pense que je vais sortir, là, je sais pas trop. Allez, regarde, j'avais deux billets, puis dans la game des Nordiques à soir, ça te tente-tu? Oh, non, pas vraiment, non. Ben, pourquoi? Ben, je suis pas bien fort là-dessus, là, ok, moi. Non, mais c'est rapide, les gars, ils comptent des buts à toutes les games. Ben, je sais pas, une autre fois, là. Non, mais y a pas d'autre fois, là. Écoute, ça fait trois téléphones que je fais, là, pour avoir quelqu'un pour aller au Nordique avec moi, là. Je commence à t'étonner, là. Tu pourrais peut-être venir avec moi. Je sais pas, à soir, t'as rien à faire, tu sais. Ben, ça me tente pas. OK, garde. Sors! Qu'est-ce que tu m'appelles? Club. J'ai besoin d'être là. Il y a une chose à faire, c'est une bonne game. GSM, bonsoir. Oui, est-ce que je peux parler à Bertrand Segui, s'il vous plaît? Ah, il est juste ici, Nestel. Allô? Bon, Bertrand, regarde, là, j'ai deux billets pour la game d'asseoir, là, tu pourras encore nous coloniser tantôt. Oui. Ça va finir là, je t'ai carré, attends! OK, qu'à manger, quelle porte? Section 13, rangée 19, siège G! Salut! Bon, il s'est passé toute la soirée avec mes téléphones de même, mais je vais être comme... J'ai mis mon manteau, là. Mariette, t'as mis mon manteau, là! Mon ordi! T'as mis les cartes! Ben, ça commençait comme ça, les échangeurs, pour ce soir. Vous êtes toujours à CKRL, le 89.1 à Québec. Les granules commençaient le bloc avec « Si tu t'ennuies du temps ». C'était le retour des granules en 1987, avec, bien sûr, René Lucier, qui a fait beaucoup de choses. Il s'est promené un peu partout dans le monde. Il a fait, entre autres, la musique du Moulin à Images. Il a fait aussi... beaucoup de musique pour des documentaires, pour des films. Moi, je l'ai connu avec quoi? Avec André Duchesne, peut-être? Ou avec Conventum? Oui, parce qu'il a été dans Conventum. Il s'est promené vraiment là, partout. France, Allemagne, Angleterre, Écosse, Belgique, Russie, Norvège, Italie, Autriche, Suisse, Hollande, Pologne, Portugal, Yougoslavie, etc., etc. L'Argentine, le Chili, tout ça. Très talentueux et... plein d'imagination. Voilà, c'est la meilleure façon de résumer René Lucier. Le Père Tremblay, les nouveaux Alléluia. Le psaume 150 sur le Père Tremblay, les nouveaux Alléluia de 67. Le Père Tremblay, lui s'était dit qu'il allait chanter. Il allait chanter. C'est un vrai père qui a fini par défroquer, mais c'est un vrai père. Il s'est dit, il faut que je joue avec des laïcs, des jeunes laïcs, comme ça. Et il s'est mis à faire de la musique. Puis c'est plutôt plaisant. Ça swing. Le père Tremblay swingait. À l'époque, il y avait des messes à gogo aussi, des trucs comme ça. On essayait de moderniser l'Église à la suite de Vatican II. Cœur en chômage, c'était Madame Bertrand, Robert Charlebois et Mouffe sur un gars bien ordinaire de 71. Claudine Monfette, surnommée Mouffe, actrice, scénariste, parolière québécoise. Elle a écrit pour René Claude, pour Nicole Martin et évidemment pour Robert Charlebois, ce qui l'a rendu assez célèbre à une certaine époque. Plume la Traverse nous faisait des popsicles sur chansons pour toutes sortes de monde. Plume est probablement un de ceux qui écrit le mieux. De tous les compositeurs québécois, en plus d'avoir toujours été entouré de guitaristes vraiment exceptionnels par moment, parce qu'il est surtout capable de jouer des trucs vraiment country à une vitesse assez folle. Mais évidemment, il est né Michel Latravesse. Ses parents l'ont pas appelé Plume tout de suite comme ça. Dans ses albums, moi je l'ai connu avec Plume Pudding, je pense. Parce qu'il avait fait d'abord un truc avec le docteur Landry et son autre compère qui était trinitaire. Puis il a fait Pomme de route avec Stephen Faulkner et bien d'autres. All Dressed, entre autres, avec une jolie boîte de pizza. Ensuite, le Karloff Orchestra qui nous faisait la chute sur Fuzzy Trash Pop de 2004. Intéressant, Boris Karloff. Karloff Galovski nous faisait voix, guitare, percussion, etc. Nicolas Joanneau avec la basse, Bruno Pilote et Eric Raté. Iconoclaste, oui, iconoclaste pour ceux qui ont des icônes à briser. C'est ça, parce que sinon, c'est seulement très bon. Tout simplement, ce n'est pas iconoclaste pour tout le monde. Call Me Poupée nous faisait Appel interurbain sur Western Shanghai de 2006. Ça aussi, c'est chouette, Call Me Poupée, avec Ken Fortrell et Poupée. Ça datait de 2004. 2006, voilà, Western Shanghai. Puis on a terminé avec les biberons bâtis. Évidemment, Satan Bélanger lui-même. J'ai deux billets pour asseoir sur Attaboy, on meurt, en 93. Et je me souviens, lors de la visite de Jean-Paul II, on était chez des amis comme ça, puis il avait fait une grande banderole, Attaboy, Jean-Paul, que la GRC nous avait fait retirer, d'ailleurs, ce qui nous avait encore fait plus rire. Et ensuite, on s'en va encore avec Plume la Traverse et le docteur Landry, justement trinitaire dont je vous parlais, les Jaguars, Bréjean, Bernard Bonnier, du Conventum, etc., etc. Et on y va maintenant. On lui donnait des petits bonbons, un petit bouquet de fleurs pour mettre son petit cœur. Saint-Joseph le Carpenter, il mangeait des chips. A dit vous papa, veux-tu bûcher du bois pour faire des petits pois? Trois petits pois, pois, pois, pois. Thank you.

compagnie de musique extraordinaire. Thank you. Ce morceau-là, il est dédié à tous ceux qui se promènent entre deux hôtels à 100 000 à l'heure. Eh, viens-t'en, on déménage. Puis dis-y d'apporter le bill. On emporte nos biens. Puis on s'en va au Windsor. Comment t'y trouves mes bottes? J'ai déjà acheté à Saint-Tite. Ils sont pas mal spéciales. On va s'acheter des bottes. On va s'acheter des bottes qui sont pas mal spéciales. Après ça, ben on retourne à la tuque. Ben, ça continue comme ça. Vous avez une émission plutôt québécoise ce soir. Avec Ti Jésus, Plume la Traverse et le Docteur Landry sur Trinitaire de 1971. Je vous en avais parlé, c'était comme la première formation à laquelle contribuait Plume la Traverse avant de décider tout de suite de faire une carrière solo. Ce qui lui a été plutôt profitable. Et comme je vous disais tout à l'heure, Plume la Traverse écrit vraiment des textes parfaitement bien ciselés. Il y a des trucs qui sont... en fait, c'était un des premiers, peut-être, un de ceux qui a le mieux fait en faisant des alexandrins en québécois. Puis, avec beaucoup de bonheur. Les Jaguars nous faisaient Solitude sur les Jaguars volume 2 de 1965. Grosse influence pour les Jaguars. Où êtes-vous, les Jaguars? Ici, voilà. Ça a commencé quand? 62. Évidemment, dans la vague yéyé. Puis à l'époque, on faisait des reprises surtout. Eux, leur deuxième album était déjà plein de pièces originales. Puis Jean-Guy Arthur Cossette a décidé, lui, qu'il s'en allait à Montréal, où c'était vraiment le centre de la musique à ce moment-là, au Québec. Et ça l'est encore maintenant. Puis... il s'est joint aux Sinners. Il a travaillé un peu avec les Sinners, Révolution Française, Robert Charlebois. Puis, c'est le genre de musique qui est revenu à la mode à certains moments parce qu'il y a eu un retour en fait, les gens ont commencé à se préoccuper de ce patrimoine-là des années 60-70, québécois, des groupes plus garage et des choses qui avaient été... mainstream à un certain moment, mais pas pendant si longtemps, parce qu'il y en avait un sacré paquet de groupes à cette époque-là. Et ça a donné des trucs comme le retour avec les Traveling Blueberries, entre autres. Il y a Guylaine Marois qui s'est joint au groupe. Ils ont fait un disque qui s'appelait Appalaches, alors avec Jean-Guy Arthur Cossette, Guylaine Marois, Ricardo Branchini et Michel Dufour. Et beaucoup de monde ont fait partie de l'aventure Sinners au fil du temps. Pas des Sinners, pardon, des Jaguars au fil du temps. Et voilà. il est dans le Leeds and the Hot Kitchen. Leeds and the Hot Kitchen, maintenant. Bréjean nous faisait qu'on vit tes yeux sur Partir pour ailleurs. Partir pour ailleurs, oui. Né en 48, mort en 93. Il y a une de ses pièces qui est un quatuor pour saxophone. Walter Boudreau disait que toute tentative de faire jouer son quatuor pour saxophone par des êtres humains sera fatalement jouée à l'échec, vouée à l'échec. Puis il a fait lui aussi beaucoup de choses. Il a travaillé avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Il a fait des trucs avec sa femme Christina Petrovska Kiliko. Entre autres 16 portraits pour piano seul. Et James Whittenedge aussi. Bernard Bonnier, qu'on a eu le bonheur de mettre souvent à notre émission quand même pour... alors, c'est un musicien qui finalement demeure relativement peu connu, malheureusement, au Québec. Alors, la pièce était Italian Junk Food sur un album qui s'appelle Casse-tête, musique concrète. Décédé bien trop tôt, Bernard Bonnier, à 42 ans, si je ne m'abuse. Il a travaillé, entre autres, avec Pierre Henry, le compositeur de 72 à 76. Il a travaillé évidemment avec des grands orchestres. Il a beaucoup composé. Puis il disait lui-même je suis de nouvelle génération de créateurs dont je ne sais pas encore si nous serons plusieurs. Eh bien non, vous n'avez pas été plusieurs. Ça s'est pas arrêté, mais quand même de ce genre et de ce calibre-là, il y en a pas eu beaucoup. Les Conventum nous faisaient les Criticoteuses sur À l'affût d'un complot de 1977. Qu'est-ce qu'on a? Ben évidemment, on a André Duchesne. Au départ, il y a Lucier qui se joint à la formation. Jean-Pierre Bouchard, Michel Tremblay, Mike T. Et Jean-Pierre Tremblay aussi, son frère. Jean Gagné. En fait, il avait trouvé un local sur la rue Sanguinette qui était le Conventum. Et ça... Eh oui, on entendait aussi Louise Forestier sur le truc. Toujours pratique pour faire des back vocals. Louis Foresti, sa nuit rare. Martin Tétro nous faisait des pas, le son de samba sur des pas et des mois. Lui, s'est beaucoup amusé avec le vinyle. De ces temps-ci, ben, il a collaboré avec un ami de Québec, Éric Dorion, notamment, qui... pour faire des trucs relativement éclatés, pourrions-nous dire. Puis lui, il s'est amusé beaucoup avec les vinyles, à couper des vinyles en deux, puis à remettre les deux faces à l'envers, finalement, pour faire des trucs qui sautent un peu, mais qui font des changements. Il s'est amusé... C'est un peu une méthode d'échantillonnage qui fonctionne bien. Péloquin Sauvageau, les bottes de Saint-Tite sur Laissez-nous vous embrasser ou vous avez mal, qu'on met quand même assez régulièrement. Ça, c'est un truc qui avait été mis en bonus sur la réédition faite par Mucho Gusto, parce qu'en réalité, ça venait de 45 tours. Et nous avons terminé avec François Guy, qui nous faisait Away, Vient-en, sur une compilation qui s'appelle Freak Out Total, volume 33, Québec-France 67-73. Psyché Jello. Voilà, François Guy, qui lui aussi a fait beaucoup de choses pour beaucoup de monde. Il a écrit plein de chansons. Lui-même s'est retiré de la scène à un certain moment. Oui, évidemment, il a été dans les Sinners, lui aussi. Il y a eu du monde dans les Sinners qui ont fait bien des choses à ce moment-là et par la suite. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ben là, on quitte un tout petit peu le Québécois par la suite avec Syd Barrett, Captain Beefheart, mais il y aura du Québécois encore. Dust. awful, keep cool, you know. Casper was fine, but he had glass eyes. He crucified me with his bits of calling lies. His hair was black, he had a bend in his back. He turned my cousin Andy to the railroad tracks. The train had come, he started to run. Jasper seed abuse, see, that's it, it's kind of fun. That's it. Cousins, there's a limited supply, and we're down to the dozens, and this is why. Big-eyed beans from Venus, oh my, oh my. Boys and girls, Earth people around the circle, mixtures of man alike. Big-eyed beans from Venus, don't let anything get in between us. Beam in on me, baby, and we'll beam together. I know we always been together, but there's more. Mr. Zoothorn Rollo, hit that long lunar note and let it flow. Your wallets flop out and women open your purses. Cause a man or a woman without a big-eyed bean from Venus is suffering with a waste of circumstances. Yeah, you're suffering with a waste of circumstances. Put him out in the sun. When the night comes, you don't have to go out and get them. They'll glow with you. They'll go with you. They'll shower with you. Ain't no losers, cause they're on the right track. Cause they're on the right track. You can be on the right track together. Of course, of course. Ain't no snafu, no fault of your wrong. Check these out. Beans from Venus. I'll let a few out. in between us. Distant cousins, there's a limited supply, and we're down to the dozens, and this is why. Don't let anything get in between us. Big eyed beats from Venus. Big eyed beats from Venus. Je sors d'un parking avec un char volé. Je suis sourd, je ne sais plus qui je suis, ce qui m'empêche de me sentir coupable. Je frappe plusieurs autres chars en sortant. Je me lance dans la circulation tout croche, ricochant d'un coin de rue à l'autre comme sur une table de boule gigantesque. Je conduis avec une bouteille entre les deux jambes comme l'amour, comme l'Amérique en amour, à Sudbury, Ontario, Canada. Et j'allume la radio et c'est une grande vedette de la chanson qui raconte en riant qu'elle a déjà joué à Sudbury ou quelque chose comme ça. C'est là que mon char roule. C'est là que je capote comme dans le temps qu'il se passait quelque chose au Québec. Et je pousse mon char comme je pousse ce poème. Je fais crier mon criard comme un lard. Et je pense, fuck la poésie. Je viens d'un pays où engagé veut dire que tu t'es trouvé une job. J'ai les yeux cernés comme Nelligan en écoutant Bob Dylan. Et je suis rendu en ville, ne me cherche pas une job. Je cherche un liquor store parce que je suis à 6 maps pour savoir que pain, c'est pain en anglais. Et que je roule vers une vitrine contenant une vingtaine de téléviseurs montrant le tiers-monde en famine. Et c'est une sainte colère qui m'envahit. C'est une colère enceinte qui sort de chez le docteur et embarque dans son char. Mon char dans mon char et elle pleure en conduisant sur le soleil impitoyable du printemps avec des essuie-glaces qui marchent, qui grincent contre la pare-brise de ses yeux. Et je me rappelle encore plus soudainement que je ne sais pas conduire. Et je lâche le volant en m'envolant vers la vitrine. Je ferme les yeux et dans ma tête, je vois deux camions remorques le long d'une autoroute enneigée et calme qui se frappent avec le bruit sourd et assourdissant. La Bugs Bunny frappant le fond de la proverbiale piscine vide. Thank you. C'est du beau fond sonore. Pour terminer l'émission, les échangeurs d'air, Benoît Arcand est là, prêt à faire terrain vague. Pour l'instant, il regarde avec attention l'ordinateur. Voilà, ça peut arriver. Et qu'est-ce qu'on a eu pour terminer? D'abord, Syd Barrett, qui nous faisait Gigolo Hunt. Hunt sur Barrett de 1970. Carrière, malheureusement, un peu écourtée ou un peu en dents de scie. Dû à des problèmes de santé mentale et aussi à une consommation de drogue qui n'aidait pas nécessairement à gérer les problèmes de santé mentale. Évidemment, on connaît Syd Barrett pour son apport à Pink Floyd dans les débuts. Par la suite, il a fait quelques petits trucs puis il est disparu pendant une assez longue période. Mais c'était plutôt bon, certains trucs de ces trucs, et on en met une fois de temps en temps. Mark Bolan nous faisait Jasper C. Debussy sur Prehistoric, The Original 66-67 Early Recordings, une compilation parue en 95. Mark Bolan, ben évidemment le leader de T-Rex, qui a été aussi, on pourrait dire, un des initiateurs du glam rock. Alors, avec des costumes, il fallait que ça soit flamboyant. Même si on ramenait le rock un peu à sa base de rock and roll, il fallait que les costumes fassent leur effet. Captain Beefheart and the Magic Band, pardon, sur Big Eyed Beans from Venus, sur un album qui s'appelle Clear Spot de 1972. Notre ami Don Van Vliet, qui est décédé en 2010, a fait beaucoup de choses lui aussi dans sa vie. Il s'est promené avec Frank Zappa, il a fait beaucoup de trucs avec le Magic Band, mais c'est aussi un peintre très reconnu qui a d'ailleurs consacré plutôt les dernières années, pas seulement les dernières décennies de sa vie à ça surtout. Sa voix, c'est reconnaissable entre toutes. C'est la voix de Van Vliet. Patrice Desbiens faisait Sainte Colère sur Patrice Desbiens et les moyens du bord, de 96. Patrice Desbiens, c'est le poète le poète de la vie quotidienne, le poète de la poésie, de la quotidienneté, on dirait. Je vis à Toronto, Ontario, j'ai un Larousse de poche avec 32 000 mots, je trébuche sur ma langue se détache de ma bouche, elle se trottille, elle frémit comme un chien mourant sur la rue Yonge. Ça résume bien son truc. Tantôt, il se promenait en automobile après avoir bu de l'alcool. Puis, il y a toute une bande qui l'accompagne, dans laquelle on reconnaît certainement René Lucier aussi, qu'on a entendu un peu plus tôt. Tom Waits nous faisait Down, Down, Down sur Swordfish Trombones de 1983. Inutile, je pense, de vous décrire Tom Waits qui apparaît, je pense, il y a un film de Jim Jarmusch avec des zombies, puis il y a lui, puis il y a Iggy Pop, puis je me souviens plus qui. Si, en tout cas, je veux le voir. J'aime les films de zombies. Urbain Desbois nous faisait J'ai un grand trou sur ma maison, travaille plus que moi. Les premiers trucs d'Urbain Desbois, ces deux premières cassettes, c'était vraiment très chouette. Il a fait de bonnes choses par la suite, mais quand c'est apparu, ça nous a vraiment frappé. Puis surtout, j'aimais beaucoup le titre Ma maison travaille plus que moi. La première cassette. Et ensuite, Les monstres sont ailleurs, c'est Jean Garand's Garage Band sur ses grands succès de 91 à 2001. On se demande, ça a été mon coloc pendant quelques années à Montréal quand je brassais là. Et le coloc de Jean-Philippe aussi. Et une des caractéristiques de l'appartement qu'il occupait à Montréal, dans lequel j'allais faire un tour une fois de temps en temps quand j'allais brasser, puis ça c'était d'avoir une basse, un Leslie comme ampli, un V2, des marimbas, toutes sortes d'instruments de musique. Puis c'était un truc vraiment très très chouette, un bel endroit où vivre. Et c'est tout pour nous. Je vous dis à la semaine prochaine.